J'habite un palais vaste au sein de la nature, et que rien ne dévaste car il n'a pas de mur. Il est très fréquenté par les vents de la terre qui viennent le hanter. Il ne manque pas d'air. Mais à la vérité, ce sont de grands alliés qui viennent de tous côtés me parler en ami. Dans ce vaste palais que tous les vents balaient et qui n'a pas de toit, ils me parlent de toi. Que mon secret s'évente, je m'en fous, je m'en vante, comme je me vante aussi qu'il vante en mon logis. Mon secret est vanté, te sera-t-il porté par le grand Aquilon, Zéphyr ou autre nom? Un inconnu peut-être, après tout que m'importe, pourvu qu'un vent te porte demain sous ma fenêtre. Tu verras, j'en suis sûr, que ce lieu n'est pas laid, car c'est Dame Nature, le nom de mon palais.